J'ai pas l'accord de son père, non. Je rallume mon tahio. Je n'ai pas qu'elle dans la vie. Je galère toute la nuit et je ne vois pas de coup de fil. Retourne à ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie, non. Quand faire des love pour maman. Je galère dans ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie. Je galère toute la nuit et je ne vois pas de coup de fil. Retourne à ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie, non. Quand faire des love pour maman. Affaire de qu'on se connaît, sors pas en boîte de nuit. Et tout ce que je t'ai pas donné, tu le trouveras peut-être chez lui. Qu'est-ce que tu vas faire? À qui tu veux plaire? Si on se fait la guerre, tu passeras du rire au fleur. Tu domines ton corps de rêve, mademoiselle, je me nique mes sèvres. Je me lève avec mes rêves, j'ai pas toujours la paix. Je veux faire des tubes à la Billie Jean. Bang, bang. T'as eu mon frère, je sais pas ce qu'elle t'a dit, mon frère. Elle t'a fait perdre pilotaire, tu croyais que tu l'as piloté, non. Garde le mental pour haut. Comme elle dans ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie. Je galère toute la nuit et je ne vois pas de coup de fil. Retourne à ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie, non. Quand faire des love pour maman. Comme elle dans ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie. Je galère toute la nuit et je ne vois pas de coup de fil. Retourne à ma vie, non, je n'ai pas qu'elle dans la vie, non. Quand faire des love pour maman. Come on, go!